Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, les enfants enfermés ou l'éducation sous contrainte, une série de Pauline Maucor réalisée par Gaëlle Gillon. Au départ de cette série, il y a des images terriblement actuelles d'enfants derrière des grillages et les politiques de répression des migrations qui font qu'ils se retrouvent en centre de rétention, parfois séparés de leurs parents ou tout simplement isolés. Il y a aussi cette idée de la protection de l'enfance sans condition qu'on a tendance à contourner. Alors pour commencer, les personnages. Des enfants qui se droguent, une avocate qui protège, des jeunes qui ne veulent pas d'aide, des humanitaires dépassés, une femme qui évalue, un sociologue qui détricote, un homme arrivé seul à 14 ans, une pédopsychiatre bienveillante, des jeunes qui disparaissent et un travailleur social qui veille. Ensuite le décor, la migration, des abris, des réseaux, des vols à l'arraché, le Maroc, Lesbos, des récits de vie, des parcours du combattant, des associations, l'école comme un objectif, des fugues, la prostitution, le désœuvrement et la discrimination. Aujourd'hui, 4e épisode, on écoute une archive. Les enfants enfermés ou l'éducation sous contrainte. Épisode 4. Les mineurs étrangers face à l'État et aux réseaux mafieux. Reportage de France 24, septembre 2018. Le square Alain Bachung. Une aire de jeu pour enfants devenue le repère de jeunes marocains. Des gamins de la rue livrés à eux-mêmes qui s'adonnent à la consommation de drogue, d'alcool. Les plus jeunes ont 10 ans, la plupart entre 13 et 16 ans. Ils sont une cinquantaine à vivre ici, jour et nuit depuis quelques mois. Enfin, moi, j'étais frappée une fois. J'avais amené mon fils à l'école et à 9h du mat, je les voyais fumer des cigarettes. Pourtant, je suis du quartier, hein. Je peux vous dire que des choses, j'en vois. Mais ça, c'était la première fois de ma vie que je voyais des enfants à 9h du matin dans la rue. Parce qu'ils volent en terrasse des cafés, ils essaient de rentrer dans des appartements au rez-de-chaussée pour dormir au chaud. Ils rentrent dans les appartements qui sont en travaux. C'est des jeunes qui traînent dans le quartier, qui viennent au square et qui restent là, qui traînent. Des fois, ils font leur petit business. Mais moi, je trouve que c'est un peu triste parce qu'on est en France. Olivier Perroux, sociologue. En novembre 2016, on a vu apparaître à Paris effectivement des jeunes qui ressemblaient beaucoup à des enfants des rues comme on peut les croiser au Maroc. C'est-à-dire certains même sniffaient une sorte de colle dans des sacs en plastique. En creusant, on s'est aperçu. Alors, c'était un nombre quand même relativement limité. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que tous les jeunes dont on parle, ils sont très visibles. Mais leur nombre reste très limité par rapport que ce soit aux mineurs non accompagnés en France ou si on prend les enfants qui vivent dans les bidonvilles, aussi par rapport au nombre d'enfants qui habitent dans les bidonvilles. Donc c'est vraiment un petit nombre, mais bien sûr c'est eux qui vont focaliser l'attention des médias et du grand public. Donc sur ces jeunes marocains, on a vu ces jeunes apparaître et ça posait vraiment une vraie problématique de protection de l'enfance en disant comment c'est possible que des jeunes de 12-13 ans qui se shootent en plein Paris, ne puissent pas bénéficier d'une protection. Donc il y a eu un travail qui a été fait par la mairie de Paris notamment pour tenter de les mettre à l'abri. Ce qui n'était pas évident, c'est que ces jeunes souvent refusaient cette mise à l'abri ou acceptaient juste de dormir une nuit et après retourner dans la rue, effectivement voler de façon un petit peu compulsive. Et donc l'idée, c'était d'essayer de comprendre mieux qu'est-ce qu'il y avait derrière ces jeunes-là et comment pouvoir les sortir de ces petits réseaux locaux qui les utilisaient. Catherine Daoud, avocate à l'antenne des mineurs du barreau de Paris. On en a beaucoup parlé l'année dernière. En fait, ils ont commencé à être visibles en 2016 dans toutes les capitales d'Europe. Et à Paris, on en a beaucoup parlé, notamment en 2018, puisque l'année dernière, un arrangement a été conclu entre les autorités françaises et marocaines, pas du tout au niveau des éducateurs, des avocats, de ceux qui étaient sur le terrain, mais des autorités étatiques pour essayer de trouver une solution. Donc, qu'est-ce qui dérangeait, en fait ? Ce qui dérange, et on le comprend bien, c'est que ces jeunes-là, ils ne demandent pas à être protégés. Ils sont dans un état très abîmé de polytoxicomanie. C'est des jeunes qui sont en errance depuis des mois et des années sur le territoire européen. Et ils se comportent... leur appel, leur façon d'appeler au secours et de demander de l'aide, c'est de commettre des délits. Donc, ils arrachent des colliers, ils arrachent des portables, mais ils ne sont pas dans un état normal. Quand on les voit, nous, quand est-ce qu'on les voit comme avocats, c'est pas au moment où ils ne demandent jamais une protection du département. On les voit parce que la police les arrête et qu'ils sont en garde à vue. Souvent, à travers WhatsApp, ils entendent que des copains à eux, en voyant des photos, ont réussi à gagner beaucoup d'argent en étant, par exemple, à Paris, à Barbès ou à Marseille, ou à Toulouse ou je ne sais où. Et donc, du coup, ils vont aller dans cette ville, ils vont se rendre par leurs propres moyens dans cette ville. Et là, souvent, ils sont récupérés par des organisations délinquantes qui ont tendance donc à leur proposer des produits stupéfiants, des extas, du rivotril, du hashish, parfois même de la cocaïne. Et donc, il y a une dépendance qui se crée. Et cette dépendance, après, va être utilisée pour pouvoir les manipuler afin que chaque jour, ils rapportent de l'argent en volant, par exemple, des téléphones, des chaînes en or ou parfois en cambriolant. Quelles sont leurs motivations ? Alors, leur motivation, en fait, quand on regarde un petit peu le parcours de ces jeunes au Maroc, on s'aperçoit que c'est des jeunes qui vivaient dans des quartiers, donc ce n'était pas des enfants des rues. Et la grande majorité d'entre eux, en fait, ont leur mère qui travaille pour des cadences infernales, souvent... dans des ateliers de confection pour des grandes marques de prêt-à-porter espagnoles. Et donc, c'est des femmes qui travaillent 12 heures par jour, qui n'ont pas eu le temps de s'occuper de leurs enfants. Et en fait, ces jeunes commencent à traîner vers 8, 9, 10 ans dans leur quartier, commencent à consommer, ne vont plus à l'école et donc sont sur une pente assez descendante. Ils commencent à être stigmatisés par l'entourage, par leurs parents aussi. Parfois, il y a un remariage qui intervient et donc le beau-père veut se débarrasser de ces mineurs qui, posent des problèmes et avec lesquels lui, il n'a pas le lien. Et donc, les mineurs, en fait, espèrent souvent reconquérir finalement le cœur de leur mère en montrant qu'ils ont pu réussir en Europe. Et pour réussir en Europe, ils se disent que l'idée, c'est de faire beaucoup d'argent. Alors, bon, le cas des mineurs en errance, là, marocains, c'est quand même un cas très, très particulier parce que ils étaient maximum une soixantaine. Si on regarde notamment les mineurs qui ont été incarcérés l'année dernière, donc parmi les mineurs non accompagnés, dans les nationalités, on va plus trouver des gens qui viennent effectivement d'Afrique du Nord et d'Albanie et de Roumanie, qui correspondent à une minorité, si vous voulez, des nationalités qui sont présentes parmi les mineurs non accompagnés. Et ça, ça signifie qu'en fait, ces mineurs sont particulièrement ciblés par des organisations délinquantes criminelles qui vont les récupérer pour commettre toutes sortes de délits. Lesbos est la principale porte d'entrée en Europe des exilés qui traversent la Méditerranée. Le camp surpeuplé de Moria est le plus important d'Europe, avec plus de 5000 personnes, dont 1600 enfants. Ils attendent parfois jusqu'à 2 ans dans des abris de bois et de plastique, la boue et le froid de l'hiver, pour obtenir un premier rendez-vous d'examen de demande d'asile. Caroline Willemen est coordinatrice de Médecins sans frontières sur ce camp. Dans la clinique qu'on a, on a des médecins, pédiatres, des infirmiers, infirmières et les psychologues aussi. Et donc, c'est ce qu'on voit dans les morbidités, disons, qui sont vues par les médecins. Ce sont vraiment les morbidités qui sont liées aux conditions de vie dans le camp. Donc, ça veut dire des infections de respiratoires, la diarrhée, des infections de la peau, donc tout ce qui est lié au fait que les gens sont dans des circonstances où il n'y a pas d'hygiène et où les parents n'arrivent pas à garder les enfants assez chauds ou abris de la pluie. En même temps, ce que notre psychologue voit, c'est surtout des enfants qui dans un état dépressif, disons, avec des comportements agressifs ou bien vers d'autres personnes ou bien vers eux-mêmes. Donc on voit des enfants qui s'automutilent, c'est surtout les adolescents et chez les enfants plus petits, c'est surtout une agression contre d'autres personnes. Des enfants qui ont des cauchemars, qui ont du mal à dormir, qui crient la nuit. La plupart des discussions que nos psychologues ont avec ces enfants, c'est vraiment lié aussi à leur conditions de vie à Moria, parce qu'il faut tenir compte que la plupart des gens dans le camp, ils viennent ou bien de l'Afghanistan, Syrie ou Irak, donc ils viennent vraiment des zones de conflit actives. Après, il y a la fuite pour arriver jusqu'à Lesbos, qui est aussi très traumatisant en soi, mais les enfants, ils ont en tête qu'une fois qu'ils vont arriver en Europe, ils vont trouver un environnement qui est plus agréable, où ils peuvent se sentir dans un environnement sécurisé. Et donc, en fait, c'est ça qui n'est pas le cas. Et c'est ça qui rend tellement difficile pour eux de vivre avec ces conditions de vie-là. On a vu des enfants qui ont fait des tentatives de suicide. Après, on a aussi des mineurs non accompagnés. Là, c'est clair aussi, donc on voit surtout des garçons, donc des âges entre 15 et 18 ans, qui sont venus seuls en Grèce. On peut imaginer que c'est pire pour un enfant qui est venu tout seul, qui n'est pas venu en famille, mais qui est venu tout seul et qui se retrouve toujours seul. Donc le fait qu'ils ont des problèmes de santé mentale, c'est une réaction normale à une situation qui est abnormale. Julie préfère rester anonyme. Elle travaille pour une structure d'accueil temporaire de mineurs étrangers isolés. Quand ils arrivent à Paris, ils se présentent d'abord au DEMI, le dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers géré par la Croix-Rouge, pour y passer un entretien d'évaluation de leur minorité. Ceux qui sont reconnus mineurs doivent être protégés par l'aide sociale à l'enfance, mais les délais de prise en charge sont très longs. Il faut parfois plus d'un an pour que le juge rende la décision de protection. En attendant cette décision, le département a pour obligation de mettre l'adolescent à l'abri. C'est ainsi que certains arrivent dans la structure d'accueil où travaille Julie. C'est une moyenne d'âge d'environ 16 ans. Donc parfois, ils ont à peine 15 ans et ça va jusqu'à 18, du coup. Au niveau des nationalités, ils sont principalement maliens, ivoiriens, guinéens. On a quand même quelques Afghans. Et puis, on a quelques jeunes du Bangladesh, d'Albanie. Ils restent combien de temps dans cette structure temporaire ? Normalement, ils devraient rester environ 2-3 mois en pratique. Ils restent entre 6 mois et parfois plus d'un an. Ouais. Comment ça se fait ? Parce que les démarches sont assez longues, parce que si on était dans les clous, le juge effectivement devrait donner une réponse sous les 3 mois. En général, ça prend quand même beaucoup plus de temps et on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de nouvelles du juge avant 8 mois, 1 an. Beaucoup de jeunes me disent « mais mon juge, il est mort ». Dis soit « mon juge, il est mort » ou « ils m'ont oublié » ou « ils ont oublié mon nom ». Alors il y a quelque chose, beaucoup de l'oubli, mais il y a aussi certains jeunes qui se posent la question de « est-ce qu'on ne laisse pas traîner parce qu'on ne veut pas d'eux, en fait, tout simplement ?» Que l'administration, que la France en général ne veut pas d'eux, donc ils laissent traîner la situation. Et puis, quand ils auront 18 ans, ils vont être sans papier sur le territoire français. Et donc là, on leur devra plus rien ? Non. Ce sera eux qui devront se débrouiller, faire une demande d'asile, demander un titre de séjour. Et c'est beaucoup plus compliqué quand on se retrouve du jour au lendemain à 18 ans ici. Arthur Watou, sociologue. Donc la question des mineurs isolés étrangers, qu'on appelle maintenant des mineurs non accompagnés, avec une sorte d'euphémisme dans la manière de les nommer comme ça. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que ça recoupe ce... C'est simplement une manière de coller aux dénominations européennes de ces mineurs. Voilà, tout le monde parle de mineurs non accompagnés, donc on va utiliser la même catégorie, mais sans doute que cette catégorie aussi, politiquement, elle ne dit pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on ne dit plus l'isolement. Dire qu'ils sont non accompagnés, quand même quelque chose d'un peu moins fort que de dire qu'ils sont isolés et étrangers, en tout cas moins explicite. Sur ces mineurs, la procédure, elle est assez complexe. Quand les mineurs non accompagnés se présentent dans un département, puisque c'est les départements qui ont en charge l'action sociale auprès de ces mineurs en France, ainsi que la décentralisation s'est faite, ils sont d'abord orientés vers des permanences d'évaluation de l'âge de ces mineurs et de l'isolement. On doit évaluer le fait qu'ils puissent prétendre à la protection, c'est-à-dire qu'ils soient bien à la fois étrangers, mais ça ils le disent, qu'ils soient bien isolés, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas de parents, puisque sinon, s'ils sont accompagnés, ils ne bénéficient pas de ces dispositifs-là, a priori, et qu'ils aient l'âge pour être pris en charge, c'est-à-dire ne pas dépasser 18 ans, avec un enjeu majeur de ce côté-là, ne pas dépasser 18 ans, puisque là, il ne relève plus du tout de la protection de l'enfance, mais au contraire, il tombe sur le coup des règles appliquées aux étrangers irréguliers. Donc ces mineurs, ils se présentent à des permanences. Ces permanences, elles sont faites par des associations, la plupart du temps, des associations comme la Croix-Rouge, par exemple, comme France Terre d'Asile, qui vont évaluer pour l'État, c'est une délégation, pour l'État, le parcours de ces mineurs, essayer de voir si dans le parcours de ces mineurs, on peut trouver des indices corroborant leur dire. Eux se présentent, expliquant qu'ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, avec un certain nombre de pièces d'identité, parfois des actes de naissance, etc., etc. Mais ces actes, ces pièces d'identité, sont systématiquement contestées par l'État. C'est-à-dire qu'on va leur dire, oui, certes, vous avez des documents d'identité, on va les étudier, mais on va en même temps recueillir votre parcours, etc., parce que ces documents en eux-mêmes ne nous suffisent pas. Ils ne nous suffisent pas parce qu'on ne sait pas comment ils ont été obtenus. Suivant les pays, on ne sait pas si ils n'ont pas pu faire l'objet d'une forme de corruption, on a réussi à les avoir d'une autre manière, par un autre biais, etc., etc. Ce qui est assez étonnant, parce qu'on sait par ailleurs que des procédures existent de vérification, de ces, etc. Mais on a une tendance à, malgré tout, basculer du côté du récit, les faire parler de leur parcours, etc., pour essayer d'évaluer leur minorité, en prenant bien en compte le fait qu'il y a une pression à ne pas reconnaître trop de mineurs, puisque ces mineurs, une fois qu'ils sont reconnus mineurs, doivent être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire par les départements qui ont des moyens limités, de plus en plus limités d'ailleurs, et qui donc doivent faire face à ces mineurs, doivent leur proposer un hébergement, doivent leur proposer une scolarisation, doivent leur permettre d'accéder à la santé, etc., etc. Et donc une pression très forte sur ces évaluateurs. Et en fait, les choses qu'on a trouvées dans ces dossiers et les choses qu'on a pu entendre, qui ont été corroborées par ces évaluateurs, c'est que finalement, quand le récit n'est pas cohérent, on considère que vraisemblablement ils mentent et que donc ils ne sont pas mineurs. Et puis quand le récit est trop cohérent, c'est-à-dire quand les récits paraissent un peu trop lisses, qu'ils ont déjà été entendus, etc., on va dire, hein, mais là, il répète un récit qu'on lui a demandé de répéter. Et donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que les critères qui sont utilisés pour évaluer les mineurs sont des critères qui leur sont quasiment systématiquement défavorables. On va reprocher aux jeunes d'avoir peut-être commis des erreurs dans la description de son parcours chronologique, alors que quand vous lisez toute la littérature des psychologues, des psychiatres qui suivent, qui connaissent les parcours migratoires extrêmement périlleux et peut-être parcours déjà dans le pays d'origine dangereux qu'ont subi ces jeunes, une des premières conséquences d'un parcours aussi traumatique, c'est des incohérences dans le récit. C'est que, par exemple, un jeune va rester bloqué dans son récit sur le fait qu'il a vu son copain mourir à côté de lui, noyé dans la Méditerranée. Et son cerveau va rester bloqué là-dessus. Et après, on lui dit « Non mais attends, t'étais en quatrième, à quel âge ?» Il va se mélanger les pinceaux et je pense que c'est un peu logique. Et je pense même qu'au contraire, on peut dire que les incohérences sont une preuve de la fragilité et éventuellement de la minorité devrait être retenue en tant que telle. Donc ça, c'est déjà très choquant quand on lit votre récit est incohérent. Et l'autre argument aussi massu, c'est quand qui est utilisé par le DEMI dans l'évaluation et par la DASES, par la Direction de l'Aide Sociale à l'Enfance, qui prend la décision, parce que le DEMI fait l'évaluation avec un compte-rendu d'évaluation. La DASES prend la décision sans avoir vu le jeune, mais sur la base de ce compte-rendu. Et donc la DASES écrit presque tout le temps, je crois que je vois ça dans tous les courriers en ce moment, ils ont un peu ajouté ce troisième élément depuis quelques mois, la maturité et l'autonomie dont vous avez fait preuve pendant votre parcours, sont incompatibles avec l'âge que vous alléguez. Et ça, on tombe de sa chaise. Donc ça veut dire quoi? C'est que pour être mineur, il faut être mort, en fait. Enfin, vous voyez, pardon, je suis encore cynique, mais donc si on est vivant, c'est qu'on est majeur. C'est ça ce que ça veut dire, ce qu'ils écrivent là. Donc pourquoi? Mais moi, je ne comprends pas cette alinéa. Ils disent à la personne, vous avez survécu à tout ça, donc c'est la preuve que vous n'êtes pas un enfant, parce que si vous étiez un enfant, si on lit entre les lignes, c'est ça que ça veut dire, si vous étiez vraiment l'enfant que vous dites être, vous devriez, c'est pas normal, vous pouvez pas être arrivé tout seul vivant ici. Puis on leur reproche aussi, on ajoute dans ce même alinéa de temps en temps, le fait qu'ils aient pu en plus travailler en cours de route. Et là on se dit, mais non, il y a un problème. Est-ce que les gens qui font ces évaluations réellement, honnêtement, ont la moindre idée du parcours qui a été celui de ces jeunes? Bah, vous aussi qui vous intéressez à la question, même tout le monde, je pense, en France, qui lit un peu des histoires de ce qui se passe en Libye, au Maroc, sur le parcours, ben, ou en Turquie. Bien sûr, qu'est-ce qu'ils pensent? Que les jeunes prennent un passeport et montent dans l'avion pour venir ici? Bien sûr que non. Bien sûr qu'en chemin, on les oblige à travailler. Et bien sûr qu'en chemin, presque toutes les jeunes filles sont violées, et les garçons aussi. On n'en parle pas, mais eux-mêmes ne peuvent pas en parler. Mais, et bien sûr qu'ils travaillent. Bien sûr qu'ils travaillent, qu'ils sont pris comme esclaves en Libye. Quand ils disent qu'ils sont dans des prisons, et on les fait travailler jusqu'au moment où ils ont assez travaillé pour pouvoir prendre le bateau. Et en Turquie, combien de jeunes afghans et syriens sont passés par des usines de confection où on les a fait travailler 18 heures par jour jusqu'à ce que le passeur ait considéré que c'est bon là, 6 mois, 8 mois, maintenant je peux lui payer la suite du voyage. Donc vraiment c'est ahurissant en fait de lire ça, de dire en plus vous avez très peur en voyage, donc ça vraiment c'est louche, vous pouvez pas être un enfant. Franchement là c'est eux qui sont d'un cynisme incommensurable, c'est pas possible d'écrire une chose pareille. Mouktar a 21 ans. Il a quitté sa famille et le Mali il y a 7 ans. Aujourd'hui, il vit dans un foyer de jeunes travailleurs. C'est dans sa petite chambre qu'il nous reçoit. Il nous offre un thé corsé et des oranges. Et quand je suis venu en France, c'était comme tout le monde. Un petit peu à la recherche de lumière, tout ça. C'est moi à l'âge de 14 ans, je suis venu en France. Et c'était où chez vous? Mon village natal, ça s'appelle Goumera. Mais voilà, j'ai grandi à Bamako et je commence les scolarisations tout à Bamako. Bon, après, par rapport à l'histoire familiale et les problèmes familiales, tout ça, c'est ce qui fait que je me suis enfui de mon pays et de venir en France ici. C'était un parcours qui était assez très très dur parce que j'étais trop jeune. Dans votre famille, c'était trop de souffrance pour vous? Ah oui, beaucoup plus que ça même. Mais bon, beaucoup de souffrances, et vraiment, surtout les souffrances psychologiques. J'étais trop en danger, et ma vie n'était pas en sécurité. J'ai grandi parmi des gens qui n'avaient pas de valeur pour moi et qui ne m'ont pas donné assez de dédication aussi, quoi. D'accord. Donc, tout simplement, c'est à cause de ça que je me suis enfui. Donc, vous arrivez à Paris, et qu'est-ce qui se passe alors pour vous? Arriver à Paris sans domicile, et de métro à métro. Des gares de Lyon, gare du Nord, des gares du Nord, Bercy, Montparnasse. J'étais à Porte-la-Chapelle. Bon, en fait, des foyers, en foyer aussi, des rencontres des gens aussi qui ont la même situation que moi. Après, jusqu'à voilà, le jour que j'ai fraudé le métro, et il y avait des contrôleurs qui m'ont attrapé. Et après, c'est eux qui m'ont ramené, ils m'ont montré à l'aide sociale en France. C'était à la fin 2012. C'est là où j'ai connu cet organisme, ça s'appelle France Terre d'Asile, à l'époque. Et ils n'avaient pas de problème, ils m'ont même scolarisé. Et pendant 5, 6 mois, 7 mois, après, ils disent que ouais, vous êtes trop nombreux, on va faire des tests, nous on a des doutes, un test osé, tout ça. On vous a pris avant, mais maintenant on a des doutes, on va essayer de voir. C'était un petit peu la politique aussi. Hein. C'est normal, hein, vu que par rapport à avec tous les mineurs isolés qui viennent, qui ont des problèmes de SARS, ils m'ont dit d'aller simplement faire les tests. Je suis parti faire des tests. Bon, après, et ils m'ont demandé que je suis plus de 18 ans. Je dis non, c'est pas 18 ans, c'est 15 ans, 2 mois bientôt, 2 mois. La dame m'a dit que si tu le dis, moi je vous crois, mais en fait, dans ce cas, on va écrire une lettre pour les IS, et comme ça, vous puissiez aller rencontrer les IS et vous expliquer la situation. Et donc, je suis parti voir les IS, tout simplement. Les IS m'avaient dit que, M. Keitako, je voulais que vous m'expliquiez un petit peu la situation, j'ai expliqué ce qui s'est passé. Donc après, il m'a dit, dans ce cas, ok, je vous. Votre vie, que votre document il est authentique, vous êtes mineure, je vous prie, en charge. Il a accordé, il m'a signé un document, il m'a dit de retourner aussi à l'aide sociale à l'enfance, de donner les documents. Effectivement, l'article 388 nouveau du Code civil issu de la loi de 2016 prévoit la possibilité en dernier recours, de soumettre le jeune à un test d'âge osseux. Alors, nous, avocats, nous sommes contre les tests d'âge osseux. Et puis surtout, nous, avocats, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que toutes les autorités médicales estiment que ces tests d'âge osseux ne sont pas fiables. C'est ça la raison pour laquelle nous, on s'y oppose, puisque bien que l'article 388 précise que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision d'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Ça, c'est ce que dit le texte, et l'article 388 ajoute « le doute profite à l'intéressé ». Voilà, je peux vous dire, cet article 388, il n'est pas respecté du tout. Je fais 4 mois à l'école en tant que collégien. Et des collèges aussi, ils m'ont ramené dans une famille, c'est une famille, on va dire, une famille d'accueil. Et c'était où ? À Poitiers. Alors qu'au départ, vous étiez scolarisé à Paris. Ici, j'ai tout commencé ici. J'ai même commencé à avoir vraiment ma voix. Tout d'un coup, il me quitte à Paris, il me ramène à Poitiers. Mais ça s'est mal, très, très mal tourné, mal passé. Pourquoi ? Bah, en fait, quand je suis parti à Poitiers, quand j'ai fini mon collège, moi, j'ai toujours voulu être électricien. Bah, vu que c'est une formation qui prend du temps, la dame et son mari, c'est comme une famille d'accueil, ils n'étaient pas d'accord que je fasse mon formation. Et ils étaient d'accord que je choisisse une formation et ça fait 2 ans pour que ça se termine vite, quoi. Ils disent que ouais, l'État français n'a pas d'argent et on est là pour profiter, donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut que moi je trouve un truc vite pour que je puisse être autonome. Et du coup, après, ça crée que des problèmes tous les jours. Ils m'insultaient tous les jours, ils me disent que ouais, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas faire de l'alternance. Je dis, bah non, je ne veux pas faire de l'alternance. Moi, mon but, c'est de faire une formation pour demain et pour le futur. Donc, si vous me dites que ouais, je profite la France elle est trop générée pour les immigrants, il fallait dire ça à l'éducatrice qui m'ont pris. Moi, ils m'ont confié à vous. Vous n'êtes pas droit de me dire ça. Et ils rentraient dans ma chambre, ils fouillaient. Ils vérifiaient, ils rentrent dans mon ordinateur qu'ils ont prêté parce qu'ils avaient des calls pour essayer de voir si j'ai... En fait, ils essaient de trouver une solution, je ne sais pas quoi, mais pour essayer de créer des problèmes entre moi et l'AG, comme ça je me retrouve dans l'arrêt encore, quoi. Ces gens, ils ont tout fait pour que, jusqu'à ils m'ont même traité de fou. Ils ont parti à raconter la merde à Paris, aller à l'AG, le bureau, pour dire que moi j'ai des problèmes mentaux, je ne suis pas normal. Après moi, ils m'ont posé la question, je leur ai dit, écoute, ces gens, c'est des gens mauvais. C'est des gens, ils ne voulaient pas, ils veulent pas mon bonheur, ils veulent mes malheurs. C'est allé jusqu'où ? Jusqu'à une association qui s'appelle d'aller voir des psychologues, un centre de psychiatre, quoi, pour te voir que si tu es malade, tu n'es pas malade, c'est que ces dames, ces messieurs, ils sont en train de raconter si c'est vrai ou pas. Donc moi, je ne sentais plus rien du tout. Tout ce qu'ils ont raconté, c'était des mensonges. Alors qu'ils ne mentaient pas. Et moi, je ne me sentais pas chez moi. Et je ne me sentais pas écouté. Vous vous sentiez obligé ? Très bien. Obligatoire. Bah, ils m'obligeaient. J'étais obligé d'aller quand même. Je n'avais pas de choix. Donc, sinon quoi ? Ah bah sinon si je suis dans la rue, ça dirait presque 1 an de problème, 1 an de problème. Et après l'AG, ils ont vu que ça va pas, l'AG ils m'ont dit de quitter à Poitiers, de revenir à Paris. Et quand c'est venu à Paris, j'ai commencé, c'est là où l'AG ils ont dit que bah on vous met à l'hôtel encore, on va vous scolariser, vu que vous êtes déjà scolarisé en bac pro, on va vous laisser faire vos formations. Et c'est là où ça a commencé à stabiliser, parce que j'ai eu mon diplôme en tant qu'un bac pro et j'ai même eu 1 an encore de mentions complémentaires dans l'énergie renouvelable, dans tout ce qui est photovoltaïque, et panneaux solaires, l'éolienne. Et j'ai eu mon bac, j'ai plus 1 an d'étudiant encore, quoi. Donc, voilà. Et maintenant, vous travaillez ? Je travaille chez Bouygues Energy Service en tant que technicien supérieur. Ce qui touche à la scolarité, pour eux en plus, c'est vraiment le plus important. Ils sont venus ici pour ça ? Oui. Et ça, c'est très très angoissant. C'est vraiment très angoissant pour eux de ne pas pouvoir aller à l'école. Déjà parce que pour eux, ils sont mineurs et qu'un mineur, bah, ça va à l'école et ça fait des études. Parce que pour beaucoup, ils sont venus en France pour faire des études aussi et pour travailler, pour avoir une meilleure situation. Et parce que bah, quand ils sont là, ils savent vraiment pas à quel moment ils pourront y aller. C'est très incertain en fait. Pour certains, ils se disent « mais j'arriverai jamais à aller à l'école ». Et puis, le temps qu'ils sont pas scolarisés, bah, l'âge avance et ils approchent des 18 ans. Là, forcément, ils savent pas du coup si un jour ils iront à l'école ou non. Quoi. C'est une course contre la montre. C'est ça. Mmh. Ou ils sont forcément perdants. Pour beaucoup. En fait, tellement que l'âge, ils veulent tellement débarrasser des jeunes, tout simplement. Ils essaient de trouver... parce qu'ils en ont tellement de jeunes mineurs isolés étrangers, ils n'arrivent plus à s'occuper. Ça les a débordés. Du coup, ils essayent de trouver une formation rapide et pour que ces jeunes puissent arrêter. Ils puissent avoir une autonomie, mais une autonomie rapide. Mais au final, c'est l'autonomie, ça devient un échec. Parce que déjà, les jeunes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le métier qu'ils font aussi, ils choisiraient, ça ne leur plairait pas. J'ai des jeunes qui sont convoqués par le CEMNA, puisque c'est le service dédié. On leur demande de venir le matin à 9h. Il passe toute la matinée, il y en avait un là, il attendait d'aller à l'école la semaine dernière. Donc chouette, il va, j'ai été convoqué. On le convoque à 9h. À midi, il ose dire, qu'est-ce qui se passe? Ah bah reviens après le déjeuner, c'est l'heure de la pause. Il revient après le déjeuner, le soir à 17h. On lui dit, non mais de toute façon, ton éducateur te recevra pas aujourd'hui, enfin l'éducateur n'est pas là aujourd'hui. Toute la journée, on lui a rien dit, on l'a laissé là, il n'a pas mangé, et il est resté tout seul. On lui dit, reviens le lendemain. Le lendemain, même topo. Donc c'est insupportable. Et il y en a, quand ils ont école, à qui on demande de venir passer la journée entière juste pour récupérer leur passe Navigo. Donc ils perdent une journée d'école parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de leur donner le passe Navigo à l'heure dite. On le convoque à 9h, il doit être là, mais c'est vraiment d'un mépris total. Je trouve ça terrible. Et c'est vrai qu'il y en a qui pètent les plombs. Il y en a qui s'en vont. Après on dit oui, voilà, quand ils sont pas contents, ils vont ailleurs. Oui, il y en a qui vont ailleurs. Et quand ils vont ailleurs, là... curieusement, les autorités sont super réactives. Là, il y a une main levée du placement immédiate. J'ai eu un jeune comme ça qu'on avait envoyé à Dieppe. Et à Dieppe, il était dans un hôtel Formule 1 à 40 minutes de Dieppe. Bien sûr, il n'avait pas de titre de transport pour aller à la ville. Donc, ils étaient tous ensemble, tous les jeunes, dans le même hôtel, le plus loin possible. On ne voulait surtout pas les voir. Un peu comme à Lyon aussi, on les a mis dans un centre avec des barbelés autour, carrément. Là, parlant d'enfermement, c'était coton. Dans un village, vraiment, on ne veut pas les voir. On les met loin. Donc, pour revenir à mon jeune de Dieppe, au bout d'un moment, il m'a appelé. Il me disait, mais maître, à Paris, j'étais scolarisée. On m'a envoyé à Dieppe, mais moi, ici, j'ai rien. À Paris, j'avais un employeur qui était prêt à me prendre en restauration. Ici, je n'ai pas vu d'éducateur. Il y a des jours où on nous donne à manger une fois et on nous dit qu'on devrait déjà être bien content d'avoir un toit et un repas par jour. Et un jour, il est parti et le jour même, alors là, paf, main levée du placement. C'est-à-dire que le service de l'aide sociale à l'enfance appelle le juge en disant « ouais, c'est scandaleux, un tel est affugué ». Ben, on ne va pas essayer de comprendre pourquoi il est parti. Marie-Rose Moreau est psychiatre et psychanalyste. Elle dirige la Maison de Solène qui accueille les adolescents et leurs familles pour des soins en pédiatrie, psychologie et psychiatrie. Elle reçoit également des mineurs étrangers isolés. Alors effectivement, un enfant ou un adolescent qui ne respecte pas les règles ou les attentes des adultes, les adultes et les institutions se disent souvent elle ou il n'est pas adapté. Il va pas bien, il présente des troubles du comportement. Ça, c'est une position un peu générale face aux enfants et aux adolescents. Avec parfois d'ailleurs une médicalisation de ces troubles du comportement qui est excessive, en tout cas qui est normative, quoi. Mais dans la situation des mineurs non accompagnés, le fossé est encore plus grand. Je pense à une jeune fille comme ça que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. C'est une jeune chinoise qui avait été mise par sa mère dans un avion avec un aller simple. Donc arrivée à Roissy, elle s'est retrouvée dans la zone parce que ses papiers étaient faux. Elle n'avait pas de papiers en fait, elle n'avait pas été déclarée par sa mère. C'était une deuxième ou une troisième enfant apparemment. Et bah, cette jeune fille, elle se rebellait contre les règles du foyer. Une fois, elle a été placée dans un foyer, tout ça. Elle a appris le français en un temps record. Elle voulait être médecin pour aller soigner, évidemment, les pauvres, y compris en Chine. C'était l'idée, comme ça, de réparer. Et puis, dans son foyer, on lui disait, bon, à 10h30, on ferme la lumière. Le dimanche après-midi, on fait absolument des activités sportives. Enfin, il y avait un certain nombre de règles comme ça. On mange à des heures fixes, parce qu'on mange tous ensemble. Donc, elle se sentait enfermée, c'est sûr. Mais en plus, elle contestait le fait qu'elle n'avait pas le droit d'apprendre par cœur ses fables de La Fontaine jusqu'à minuit, une heure, deux heures, qu'elle avait le droit de le faire, qu'elle était là pour ça, que sa vie n'avait plus de sens si elle ne pouvait pas faire ça, que si elle n'avait pas envie de manger parce qu'elle était en train d'apprendre les tables de multiplication en français, ben voilà, c'est elle qui définissait les hiérarchies. Bon, elle s'opposait à tout. Ils m'ont dit qu'elle avait des troubles du comportement. Elle n'avait pas des troubles du comportement. Enfin, elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord parce que la vie qu'on lui proposait n'était pas adaptée à ses rêves et à ses contraintes, puisqu'il fallait qu'elle apprenne, qu'elle soit la plus forte, qu'elle soit, voilà, et qu'elle soit capable, au bout d'un an, de pouvoir entrer dans le circuit pour devenir médecin. Donc, c'est sûr. Et d'ailleurs, lorsqu'on travaille avec les équipes, sur ces enfants, ces adolescents, le projet qu'on fait avec eux lorsqu'on les accueille et qu'on les laisse prendre leur place dans la société française, soit un projet qui soit adapté à leur parcours. Lorsque vous avez survécu à la mort d'un cousin, que vous avez été caché la moitié dans toute l'Europe de l'Est, dans un camion, etc., que vous avez subi des tas de choses, mais que vous avez aussi, bien sûr, fait des choses pour survivre, et qu'on vous dit, voilà, le dimanche après-midi, tu fais deux heures de sport parce que c'est comme ça, ça peut paraître dérisoire, quoi. Et et le crescendo était tellement... Le conflit a été tellement fort qu'elle a mis sa vie en balance. Elle a dit, moi, si je ne peux pas faire comme ça, je me laisse mourir, quoi. Elle n'avait plus rien à perdre. Ils n'ont plus grand-chose à perdre, hein, ces jeunes gens. Si effectivement ils peuvent pas réaliser au moins une parcelle de leur rêve là, ou de leur destin, ou de quelque chose qui leur rendrait une certaine dignité à leurs yeux, ils laissent tout tomber, quoi. Ça arrive très régulièrement. Il y en a même qui, parce qu'en plus ils ont vécu des événements traumatiques, ils deviennent comme fous. C'est-à-dire ils ont l'apparence de la folie, quoi, tellement ils n'arrivent plus à s'adapter à ce qu'on attend d'eux, à ce qu'on imagine d'eux. Et donc là, ils font un petit peu n'importe quoi pour, au fond, retrouver une certaine liberté, quoi. Les choses à l'enfance, ils ont des projets, ils ont des idées, mais ils n'arrivent pas à développer. Parce que franchement, il y a un problème de communication. Quand vous ne communiquez pas, ça ne peut pas fonctionner. Ils n'écoutent pas les jeunes. Ils n'écoutaient pas. Les mineurs isolés, étrangers, ils sont tellement nombreux, ils n'arrivaient pas à écouter tout le monde. Donc ça ramène plein de jeunes dans les secs. Je comprends qu'il y a des jeunes aussi qui ont des problèmes. Hein. Qu'ils ont envie de faire rien du tout. Ça les met, ils ont la rage, ils ont la haine. Ils ne cherchent pas à comprendre. Et voilà. Ces jeunes, ils souffrent. Donc tout ça parce qu'il y a un manque d'effectifs et là, ils n'ont pas beaucoup de personnes pour ça, pour s'occuper. Et du coup, ils essaient de faire vraiment vite, vite, à force de faire vite, vite, et ça devient échec. Les jeunes, ils font tout le temps de l'échec. Moi, j'en avais beaucoup, beaucoup de copains qui font de l'échec. Ils sont faits aussi. J'ai même un copain, pas de formation, ça fait 5 ans en France, pas de formation, il a échoué son CAP. Il a essuyé, il n'a pas eu son permis et son titre de séjour. Il n'a rien. Il est devenu sans domicile. Il est majeur maintenant. Il n'y a rien qui est resté pendant 4 ans avec l'ASE. Mon propre copain. C'est quoi le problème? Il a fait de la délinquance aussi? Ah bah un petit peu. Tu sais, il y en a la plupart des jeunes qui font l'essai qu'à l'ASE, ils deviennent clochards. Hein. Ils fumaient de l'alcool et ils le vendaient. Hein. Bah, c'est logique. Ah bah oui, il fumait. Hein. Il a fait de la prison? Ah oui, garde à vue, plein de garde à vue quand même. J'en ai pas mal de copains qui ont tout le temps garde à vue parce qu'ils sont sans domicile, ils traînent Barbès, là ça fait des endroits qui ne sont pas fréquentables parce qu'ils n'ont pas une vie. Ils nous font beaucoup part d'impuissance surtout et de ras-le-bol. Et ça se traduit comment pour eux ? Bon, ça peut être autant des jeunes qui vont être très très déprimés, autant des jeunes où il y a peut-être des choses un peu de l'ordre du trauma qui ressortent à ce moment-là. Nous, on a beaucoup de jeunes qui sont maintenant sous traitement. Quel ça va des anxiolytiques, des antidépresseurs aux neuroleptiques. Et c'est généralement aussi beaucoup des traitements pour dormir, des somnifères, des choses comme ça. Je pense qu'une des choses qui revient énormément chez les jeunes, c'est qu'ils ne dorment pas la nuit. Après, ça peut aussi partir dans les... Alors en général, c'est pas grand-chose, mais dans les petites délinquances. Voilà. Ils s'ennuient toute la journée, ils vont pas à l'école, ça traîne, et puis bah, ils rencontrent des personnes dehors. C'est pas toujours des bonnes personnes. Parfois, ça se termine en trafic. Des petites choses, mais qui arrivent quand même. Okay. On a eu dernièrement beaucoup de soupçons de prostitution chez certains jeunes. C'est quelque chose qui revient assez souvent. On a des jeunes qui reviennent avec des vêtements, des baskets Nike et qui nous disent avoir rencontré, alors c'est tout bête, hein, mais avoir rencontré une dame très gentille d'une cinquantaine d'années qui s'occupe beaucoup d'eux. Et on sait que dehors, bah, c'est pas toujours très sain et qu'il y a parfois des personnes qui profitent d'eux. Et du coup, est-ce qu'ils ont parfois affaire à la police, à la justice ? C'est arrivé. Nous, ça arrive de temps en temps qu'on aille chercher un jeune en garde à vue. Ce qui est étonnant, c'est que c'est des jeunes qui, parfois, quand ils sont arrivés dans la structure, étaient vraiment, n'ont jamais eu aucun problème, ne fumaient pas, étaient toujours chez nous. Et puis, on voit que les mois qui passent, et les jeunes qui viennent de moins en moins à l'accueil de jour, et qui sont de plus en plus dans la rue, et qui ont rencontré des personnes. Et puis, c'est arrivé qu'on aille chercher des jeunes en garde à vue parce qu'ils s'étaient fait coincer, ils étaient en train de revendre quelque chose avec des amis. Après, des jeunes qui sont vraiment repartis vivre à la rue, on n'en a pas eu. On n'en a pas eu qui nous ont dit « je repars dans la rue », en fait. Par contre, on a des jeunes qui ont disparu et qu'on n'a jamais revus. Ça, c'est arrivé. Ces jeunes, au début, sont déboussolés parce qu'ils recherchent des contacts et un moyen d'accéder à un hébergement. On voit que souvent, ces dispositifs sont saturés. Mais il existe aussi des gens, alors ça peut être des compatriotes bienveillants ou non, qui vont donc leur proposer un hébergement. Et la difficulté de ça, c'est que souvent, il peut y avoir une contrepartie. C'est là où les choses peuvent se compliquer. Dans le cadre de l'association Hors la rue, Olivier Perroux va à la rencontre des mineurs étrangers victimes des réseaux mafieux. Alors déjà, c'est important de développer effectivement le repérage. C'est-à-dire qu'il faut avoir une attitude proactive, c'est-à-dire aller à la rencontre de ces mineurs. Ce n'est pas des mineurs qui vont dire « je suis victime, j'aimerais être protégé ». Ça, effectivement, ça n'existe pas. Donc il y a d'abord besoin d'un travail effectivement de terrain. C'est ce qui avait été fait notamment à Paris avec les jeunes mineurs marocains de la Goutte d'Or, où on a des équipes formées, souvent qui parlent les langues, que par ces jeunes pour aller à leur rencontre. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'on ait des structures adaptées. Alors, suivant les problématiques, ça peut être juste un éloignement pour éviter que les réseaux les retrouvent. Parfois, il faut un accompagnement sur la santé, notamment quand il y a des addictions. Et pour le moment, ça, on ne sait pas faire en France, parce que c'est une problématique très nouvelle. Et dans des cas, j'ai envie de dire, avec des réseaux vraiment puissants, il faut pouvoir mettre ces mineurs dans des lieux complètement secrets avec un énorme travail de reconstruction. Sur le plan psychologique, où les jeunes, voilà, enfin, on va travailler par exemple l'estime d'eux-mêmes et donc on va dire une réinsertion dans la société, puisque du coup, c'est des mineurs souvent qui, dès leur plus jeune âge, ont connu que ces pratiques-là. Donc il y a beaucoup de fantasmes en fait autour de ces mineurs étrangers isolés et de la délinquance. Souvent, on perçoit que l'aspect délinquance, et en fait, ces mineurs, déjà, sont peu importants en nombre, mais j'ai envie de dire, ils sont très en danger. Donc, quel que soit le nombre, il faut bien sûr agir. Et surtout, la difficulté, c'est que si on les traite uniquement comme des délinquants et qu'on les met en prison, c'est souvent la réponse pénale classique, hein, la plupart vont très souvent en prison avec des peines très lourdes, contrairement à ce qu'on pourrait croire souvent dans l'opinion publique. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, d'une jeune fille roumaine, 14 ans, qui avait volé au total 9 téléphones portables, donc sur une période assez importante, sans violence, et elle a pris 16 mois de prison ferme. Donc c'est vrai que c'est des sanctions auxquelles on n'est pas habitué, surtout pour le grand public, souvent on a l'impression qu'il n'y a pas de sanctions. Or, non, au contraire, c'est des mineurs qui sont extrêmement emprisonnés. Mais on s'aperçoit que c'est pas la réponse est inadaptée, dans le sens où, comme c'est des mineurs qui sont contraints, dès qu'ils sortent de prison, en fait, ils sont réutilisés par ces réseaux qui comptent sur eux parce qu'ils peuvent rapporter beaucoup d'argent. Et parmi les mineurs les plus aguerris dans le vol, il y en a qui peuvent rapporter effectivement du 15 000, 20 000 euros par mois. C'est pour ça que les réseaux, dès qu'ils sortent, cherchent absolument à les récupérer. Et aussi, oui, je voulais ajouter un point, c'est qu'on a tendance souvent à opposer la répression et la protection. En fait, il faut bien comprendre que les deux notions sont liées. C'est-à-dire qu'une personne qui sera bien protégée et qui n'a plus rien à craindre de son réseau, souvent c'est une personne qui pourra, souvent en général elle veut se venger de ce qu'elle leur a fait subir le réseau, qui pourra facilement ensuite témoigner et donc permettre un travail d'investigation plus poussé contre ces réseaux. Une victime qui est mal protégée ou qui subit juste une réponse pénale d'enfermement, elle ne va jamais parler et donc pour le travail d'enquête, ça va être extrêmement compliqué de pouvoir remonter jusqu'au donneur d'ordre. Et souvent ces mineurs sont endettés et doivent rembourser les personnes qui les exploitent, ils savent très bien que dès qu'ils sortent, leur dette n'a pas disparu et donc ils vont être obligés de reproduire des actes de délinquance pour pouvoir rembourser les réseaux qui les utilisent et qui les exploitent. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin de comprendre que on est sur les deux faces d'une même pièce, protection et répression, et on n'est pas sur des logiques contraires. Donc si on n'arrive pas à se mettre autour d'une table et à travailler ensemble, chacun dans sa place, mais ensemble, pour casser ces stratégies, effectivement, c'est désespérant parce qu'on a l'impression que ces mineurs s'enfoncent et on n'a pas de résultat. Et l'État français, il est censé protéger les mineurs partout de la même façon. Il y a un devoir de protection universelle de tous les mineurs sur le territoire, qu'ils soient nationaux, étrangers, etc., etc., avec les mêmes procédures, les mêmes acteurs, etc. Et peut-être que l'État n'a pas, soit pas pris la mesure de ces situations, du fait qu'il y ait ces mineurs en nombre aujourd'hui. En tout cas, le fait est que les départements sont de plus en plus mal à l'aise avec ces mineurs, soit qu'ils ne sachent pas faire, qu'ils n'aient pas les structures, etc., soit que volontairement ils cherchent à se débarrasser de ces mineurs qui sont pour eux un poids sur leurs finances, etc. L'État, sans doute, n'accompagne pas les départements à la hauteur des besoins, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a là une vraie difficulté entre les départements et difficulté qu'on voit aussi du côté des magistrats. Vous avez peut-être vu au début de l'année les juges de Bobigny qui ont fait une tribune. C'est très rare que des magistrats fassent une tribune pour dire cette phrase qui était extrêmement forte, nous sommes les juges de mesures fictives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons protéger des mineurs, nous savons pertinemment qu'ils ne seront pas pris en charge, ou pas toujours, etc., etc. Ce qui est quand même assez questionnant quand on sait quels sont les objectifs de la protection de l'enfance, ce qu'on peut voir dans les règles internationales de protection des enfants, etc. Et là, l'État qui va délaisser des mineurs, pour le coup, sur son territoire, dans des départements, etc., avec une variabilité, par ailleurs, d'un département à l'autre, qui crée des inégalités, etc. Et la question des priorités aussi. Et ça, vous savez sans doute que ça renvoie aussi à des cultures politiques, c'est-à-dire que, évidemment, entre un département de droite ou de gauche, les arguments ne sont pas forcément les mêmes. Il y a cette idée, parfois, qu'on voit apparaître dans certains départements des priorités. On a nos mineurs à protéger. Nos mineurs dans nos familles, les familles qui abandonnent leurs enfants, les familles précaires, etc., etc. Et là, ces mineurs étrangers viennent se surajouter aux autres. Donc parfois, c'est cet argumentaire-là qui est mobilisé aussi. Donc l'État français, il est dans l'illégalité quand il emprisonne ses mineurs, quand il les poursuit pénalement, ses mineurs non accompagnés. Si c'est un mineur qui est auteur, on a le droit de le poursuivre pénalement. Donc ça, c'est vraiment la loi. Là où il y a une notion d'illégalité, c'est à partir du moment où c'est que ce mineur a été contraint. En fait, donc il y a donc une directive de l'Union européenne qui date de 2013, qui explique que donc un mineur qui est contraint à commettre des délits par d'autres personnes ne peut pas être poursuivi pour les faits qu'il a commis. Donc à partir du moment où on sait qu'ils sont contraints, effectivement, on est dans l'illégalité. Tant qu'on ne le sait pas, c'est normal qu'on poursuive des personnes qui commettent des actes de délinquance. Donc la subtilité, elle est là. Le choix, c'est pas entre pas de réponse pénale ou une réponse pénale. Le choix, c'est vraiment de pouvoir sortir le plus rapidement ces mineurs et d'arriver à les mettre dans des lieux qui soient secrets, spécialisés, avec une équipe, on va dire, encadrante, qui a l'habitude de travailler avec ces enfants-là pour réussir à les déconditionner, si vous voulez, et à faire en sorte qu'ils adhèrent ensuite à une vie d'enfant classique. La difficulté, en fait, c'est l'évaluation. C'est que souvent, en fait, il y a une mauvaise évaluation parce qu'il y a une mauvaise connaissance des professionnels, y compris de la justice, des situations que subissent ces mineurs. C'est un phénomène qui est relativement récent par son ampleur, en tout cas. Et donc, on voit que les professionnels, que ce soit les magistrats, les policiers, mais aussi les éducateurs, ont une mauvaise connaissance de ce qui se passe et donc souvent vont adresser la réponse, une réponse qui n'est pas appropriée. Il n'y a pas un souhait d'une autorité, effectivement, de casser ces mineurs ou je ne sais trop quoi. C'est juste qu'en fait, il y a une mauvaise évaluation et il n'y a pas assez, du coup, de structures adaptées à cette problématique-là pour accueillir ces mineurs. Donc souvent, ils fuguent et les choses se reproduisent, quoi. Ces jeunes-là, ils ne demandent pas grand-chose, mais je ne comprends pas pourquoi, quand je vois le prix des hôtels à la journée, pourquoi on ne crée pas des foyers, pourquoi on ne fait pas, oui, dans des immeubles inoccupés, des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Pourquoi on ne fait pas comme pour les enfants français, pardon de dire ça, mais il y a une discrimination très claire. On ne va pas mettre un enfant, en général, en tout cas, moi, je n'ai pas eu de client, en tout cas, français, qui était hébergé dans ces conditions-là. On va plutôt favoriser et heureusement d'ailleurs, des vrais foyers, pas des hôtels, des foyers, des familles d'accueil. Pour les étrangers, non, on les met à l'hôtel et ça dure parfois un an. Donc j'ai des jeunes qui ont vraiment un mérite énorme, qui arrivent après avoir passé un an à l'hôtel tout seul, à quand même progresser dans les études et à avoir le bac. Mais imaginez dans quel contexte ils se trouvent. Et donc cette discrimination, elle est illégale. Oui, elle est illégale. Il n'y a pas de raison de faire la discrimination. Enfin, c'est même interdit par les conventions internationales que de discriminer. Et puis par la loi française aussi. La loi française prévoit la même protection. En fait, on n'a même pas besoin de le dire dans la loi française. C'est tout enfant. On ne dit pas de telle nationalité ou de tel statut juridique. L'article 375 du Code civil que je vous lisais tout à l'heure, et fort heureusement d'ailleurs, ne fait pas de distinction. Ce serait grave. On fait heureusement pas de discrimination entre enfants et étrangers dans les textes, mais sur la pratique, sur le terrain, on voit que la prise en charge n'est pas la même. Alors ils appellent ça prise en charge plus adaptée, mais c'est plus adapté, mais c'est surtout une moins bonne prise en charge. L'association s'appelle Kucha. L'idée, en fait, c'est de créer un centre quelque part en France, dans une adresse cachée, qui soit spécialisé pour accueillir les mineurs victimes de traite, quelle que soit la forme d'exploitation, que ce soit de l'exploitation sexuelle, de l'exploitation domestique, de l'exploitation économique ou de la contrainte à commettre des délits. L'idée de ce centre, c'est que ces mineurs, en fait, changent leur modèle de réussite. C'est-à-dire que, comme on l'a vu avec l'exemple des mineurs marocains qui cherchent à réussir pour essayer de retrouver l'estime de leur maman, c'est de trouver en fait d'autres modèles de réussite, de valoriser d'autres modèles de réussite qui font que ces mineurs auront l'impression d'avoir réussi sans être obligés d'en passer par l'exploitation. Le lieu reste ouvert, donc s'ils veulent partir, ils pourront partir. C'est pas une prison, c'est pas un centre fermé, ça existe déjà. Donc il faut qu'il y ait un minimum d'adhésion pour les mineurs. En revanche, la difficulté, c'est que souvent quand ils sont placés dans un foyer, les réseaux savent très bien dans quel foyer ils sont placés, parce que c'est toujours les mêmes foyers d'urgence. Par exemple, je sais pas, à Paris, il y a deux foyers d'urgence, on les place toujours au même endroit, et donc les réseaux attendent à la sortie, et les mineurs voient par la fenêtre que les réseaux l'attendent, et on sait, quand on a accès parfois aux écoutes téléphoniques, que les réseaux leur disent « il faut que tu fuis immédiatement ». À partir du moment où c'est pas un lieu qui se trouve en région parisienne, et que les réseaux ne peuvent pas aller chercher ces mineurs à la sortie, du coup, au bout d'un moment, ils comprennent qu'en fait, les réseaux ne peuvent pas les retrouver. Et donc, du coup, leur angoisse et leur peur s'atténuent. Et là, on peut commencer à travailler de façon éducative avec ces mineurs-là. Et ensuite, si ces mineurs décident de porter plainte contre leurs exploiteurs, ils pourront le faire. S'ils ne souhaitent pas, ils ne seront pas obligés. Ce qui prime, effectivement, c'est la protection de l'enfant, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent sortir définitivement de l'emprise de ces réseaux. C'était Les enfants enfermés ou l'éducation sous contrainte. Épisode 4, les mineurs étrangers face à l'État et au réseau mafieux. Avec Olivier Pérou, Catherine Daoud, Caroline Willemen, Julie, Arthur Watou, Mouktar, Marie-Rose Moreau. Production et coordination Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Documentation Vanessa Chang, Véronique Lefaleur, Estelle Ferrari et Corinne Chauvel. Prise de son François Rivalan, Thibaut Nassinben, Yann Frécy. Mixage Alain Joubert. Réalisation Gaëlle Gillon. Un documentaire de Pauline Mocor. Merci à Christophe et Bahar McCoy. Orphelin, mineur isolé, fille rebelle ou enfant perdu, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens ou pour nous réécouter au centre de rétention, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes et nous suivre sur la page Facebook de France Culture, sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires.